Il est ouvert ? Un, deux, trois. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous raconter l'histoire véridique de Duck McAtersney. Une adolescente de la petite ville écossaise de Kirkcaldy. C'est l'histoire tragique. Mais au bout du compte galvanisante. D'une fille ordinaire. Qui prend soin de son père dans un deux-pièces cuisine. Sa mère est morte, dans un accident de moto quand elle avait 3 ans. Elle a dérapé et s'est pris un arbre. Il pleuvait, tout près du croisement de Colton of Balgony. Duck est un diminutif de Ducati. La moto préférée de sa mère. Duck a de longs cheveux bruns jusqu'au creux des reins. Elle a un tout petit grain de beauté sur le menton. Elle porte de grosses lunettes épaisses. Le genre de fille dont, si elle enlevait ses lunettes et secouait ses cheveux, on découvrirait qu'elle est très très belle. D'une beauté qui était, jusqu'alors... passée complètement inaperçue. Malheureusement, Duck est très myope, donc elle n'enlève jamais ses lunettes. Voilà le genre de fille qu'est Duck. Alors soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Installez-vous bien confortablement. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez... l'histoire... de Duck McAtersney... et le monstre du couloir. Juin. Le matin. Le soleil se lève sur Kirkcaldy, comme le phare d'une immense arlée céleste, emplissant le ciel, emplissant nos yeux de lumière... Duck McAtersney cligne des yeux, s'étire, et d'un seul geste fluide et gracieux, sort les jambes du lit et les glisse sous son bureau. Puis elle tend le bras pour éteindre le réveil qui aujourd'hui... comme tous les jours... sonne à 6 heures. Une heure plus tôt que nécessaire. De sorte que Duck vole une heure de tranquillité pour faire ce qu'elle aime le plus au monde. Écrire. C'est ça. Duck écrit. Duck écrit un roman. Une sorte de Harry Potter, matinée de Twilight, matinée de Seigneur des Anneaux. La princesse et la bête. Vaguement autobiographique. Mouette. Le bourdonnement de la circulation matinale sur l'A89. Le tic-tac de l'horloge. Duck prend son stylo et écrit. La princesse Duck promena un regard satisfait sur son royaume. La brume suspendue au-dessus des verts champs d'orge. Les mouettes suspendues en l'air au-dessus de la mer accablée et le soleil bas suspendu juste au-dessus des froids murs de pierre du château. Tout était normal. Tout allait bien. Quand soudain... Papa ? Normalement, il devrait être dans la cuisine, en train de servir des cornflakes, de renverser du lait partout. Mais c'est tout calme. Pourquoi ? Duck ! C'est toi ? Ah oui. Quoi ? Monstre. Ah. Orteil. Ah. Coupé. Pardon. T'avais dit que tu rangerais. Pardon. Tu devrais être debout. Pardon. La dame vient aujourd'hui. Je sais. Papa ? Oui. Ça va ? Oui, très bien. Bon. Duck ? Oui. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît ? Pourquoi ? Il fait noir. Mais papa, la lumière est allumée. Ah. Quoi ? C'est bien ce que je pensais. Papa ? Je crois que je suis aveugle. Pardon, Duck. La dame s'appelle Madame Underhill. Elle travaille au service de l'aide à l'enfance. Elle se demandait si elle pourrait faire un saut pour une petite visite, un jour, à l'heure du déjeuner. Un saut ? Oui. Pourquoi ? Juste pour dire bonjour. Bonjour. Pour voir comment ça se passe. Ça se passe très bien. Je sais, mais... Mais quoi ? Mais c'est toujours bien de jeter un œil. Pourquoi ? Au cas où. Quoi ? Duck, d'habitude tu es une fille tellement vive et intelligente, mais depuis quelques mois, tu es tout éparpillée. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu es fatiguée. Tu as des valises sous les yeux. C'est du maquillage. Non, c'est des cernes. C'est ma période Amy Winehouse. Duck, on t'a trouvé endormie dans la malle à costume. J'ai une explication. Tu traverses une mauvaise passe, c'est normal. Parfois, quand les élèves traversent une mauvaise passe, eh bien, c'est parce que les choses sont difficiles à la maison. Madame Underhill va vous faire une petite visite, effectuer une simple évaluation à domicile pour qu'ensemble, nous puissions déterminer quel système mettre en place, si nécessaire, pour t'aider. Système ? Il faut qu'on établisse un plan d'assistance sur lequel on puisse tous s'engager. C'est tout. Un plan d'assistance ? Oui. D'accord. Doc, ce n'est pas un plan pour te placer dans un foyer. C'est un plan pour me placer dans un foyer. Quoi ? Ils pensent qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Qui ? Les services d'aide à l'enfance. Ah. C'est évidemment un piège. Elle veut faire un saut à l'heure du déjeuner. Une petite visite, dit-elle. Une petite visite pour nous choper en train de manger des chips, voilà ce qu'elle veut dire. Elle croit évidemment qu'on vit dans une porcherie et qu'on reste assis toute la journée à regarder la télé. D'accord. C'est pas juste. Mais Doc, c'est vrai qu'on mange des chips et qu'on vit dans une porcherie et qu'on regarde la télé toute la journée. On se débrouille quand même. Tu crois ? Tu crois pas ? On se débrouille. Complètement. Complètement. Complètement. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la dame ? On va lui faire voir. On va lui montrer comment on se débrouille complètement. On va lui montrer de la débrouillade comme elle en a jamais vu. Après être venue chez nous, elle va aller dans le monde entier faire des conférences de formation où elle passera des vidéos de nous en train de nous débrouiller. On va lui faire swinguer sa débrouillade life. Voilà ce qu'on va faire. Ouais. Comment on va faire ? Donc je dis à Madame Underhill que c'est bon si elle vous fait sa visite à domicile samedi. Complètement. À l'heure du déjeuner, ça va ? Attendez, je vérifie dans mon agenda. Non, ouais, c'est parfait. Je veux dire, tout va complètement bien, donc elle perd son temps, mais... Ouais, non, c'est vraiment... C'est très bien, je me réjouis. En fait, je trouve ça génial. Mon père adore avoir l'occasion de faire la cuisine. La cuisine ? Déjeuner ! On va faire un déjeuner ! La princesse Duck regarda par la fenêtre. La princesse pensa... Duck regarda par la fenêtre et pensa... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les problèmes viennent de ce qu'on y pense. Les gens normaux n'ont pas besoin de penser à leur vie. Ils la vivent et c'est tout. Moi, je dois penser à tout, tout le temps. Tous les autres châteaux, tous ces royaumes pleins de familles royales normales, mais pas le mien, songea la princesse Duck. Chaque centimètre de mon cerveau est rempli de pensées, comme un gros nuage de moucherons par un jour d'orage. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent ? Comment on enlève les taches de chocolat sur un tapis ? Que diront les seigneurs avoisinants s'ils l'entendent pleurer ? Et maintenant ? Maintenant, avec le soleil qui emplit le ciel comme le phare d'un char céleste géant, maintenant, il lui fallait penser à ceci. Comment un aveugle peut-il préparer des macaronis au fromage ? Faire semblant ? Comment ça peut marcher ? Tu vois ma main ? Non. Dis oui ? Oui. Voilà comment ça marche ! Et si c'était toi qui faisais le repas ? Il faut que ce soit toi ! Pourquoi ? Si elle pense que tu ne peux pas t'occuper de moi, elle ne me laissera pas rester ici. Peut-être que ça vaudrait mieux. Comment ça ? Doc, je suis aveugle. Temporairement, en névrite optique, à cause de ta sclérose en plaques. J'ai regardé sur internet. Ça dure quelques semaines et puis après, tout redevient normal. Tu savais que ça pouvait arriver. On va réussir. On est une équipe. On est une équipe. Alors, c'est quoi ton plat fétiche ? Les restes de pizza. Un plat cuisiné. Les frites ? T'as bien vu les prospectus. 5 légumes par jour, manger sainement, cuisine maison, produits de saison. Ok. Qu'est-ce que tu fais à manger quand tu veux impressionner une femme ? Des petits pains au jambon. Des petits pains au jambon ? Rosie adorait ça. Quand on partait en vadrouille, je nous préparais un gros sac de petits pains au jambon. Un petit pain fariné, une tranche de jambon, une tranche de fromage, un peu de ketchup et une pincée de sel. Une demi-bouteille de bière brune pour faire descendre au bord de la route à Spittal of Glenshee. Ah, le paradis. On va pas lui donner des petits pains au jambon. Cherche, il y a bien un plat que tu sais faire. Macaroni au fromage. Ok, bien. Comment tu fais les macaronis au fromage ? Comment ? On va s'entraîner. Ouvrir le placard. Macaroni. Ouvrir le paquet. Vas-y tranquille. Trouve pas le robinet. Demande à ta fille, un peu à gauche. Mettre de l'eau dans la casserole. Et de l'huile pour pas que ça colle. Comment je fais pour le minuteur ? Je le fais, 10 minutes. Je suis absolument pathétique. C'est Duck, les gadgets électriques. Parfait. Fromage dans le frigo. Parmesan. Tout va bien jusqu'à présent. Faut le râper. Attention mes doigts. Et puisqu'on a du temps devant soi, pendant que l'eau chauffe, causerie gentille. Papa papote avec Fifi, blablabla l'église. Blablabla Dieu. Égoutte les pâtes dans l'évier. Oula ! Les nouilles plutôt dans le saladier, ajouter le fromage. Et on touille. En fait, j'aime bien faire la tambouille. Couper tomates. Une, deux, trois. Pose sur les pattes. Et enfin, d'un geste gracieux... Un soupçon d'herbe. Pour la santé, c'est très précieux. Cueilli dans le jardin ce matin. Pas vrai du tout. Dis-le quand même, ça lui plaira beaucoup. Bon, comment je saurai que la table est prête ? Je donnerai un coup dessus. Ça va marcher, cette entourloupe. Papa et ses macaronis en croûte. Posez le plat sur la table. Au jugé, je dois être capable. Dans le doute, papa, demande à Doc. Ok. Ah, merde, putain, fuck ! Ok, ça va, tout va bien. C'est un triomphe. Il faut juste qu'on fasse un peu attention sur la fin. On a des siècles avant qu'elle arrive. C'est trop tôt. Regarde par le Judas pour voir qui c'est. Ah. Larry Lofthouse, c'est le plus beau garçon du lycée. Celui que les filles trouvent trop stylé. Il est sympa, il est pas con. Il est trop cool, il est canon. Il est beaucoup trop bien pour moi. C'est évident, je fais pas le poids. C'est qui ? Personne. Quelqu'un, je sais pas, quelqu'un. Un garçon, un copain. Un petit copain ? Non ! D'accord. C'est Larry Lofthouse. Je suis à côté de lui en cours de théâtre. On fait un spectacle ensemble. C'est tout. Ouh ! Y'a quelqu'un ? Salut. T'as pris ton temps. Désolée, j'étais en train de... Tu peux entrer ? Non. Ah bon ? En fait, j'aurais besoin de te parler. C'est important. Et c'est assez intime. Intime ? Ouais. Intime par rapport à moi ? Oui. Vas-y, au revoir. Doc, depuis qu'on est à côté en cours de théâtre, je t'ai tout de suite remarqué. Et, enfin, surtout depuis qu'on travaille ensemble sur ce spectacle. Oui ? Je pensais à un truc. Quoi ? C'est un peu gênant. Sois pas gêné. C'est... Dis. Doc ? Oui. Tu serais d'accord pour me faire une pipe en public pour m'aider à prouver que je suis pas gay ? Je dis pas que j'avais des espoirs insensés. Je m'attendais pas à ce qu'il entre et me déclare qu'il m'aime. J'ai simplement cru un instant que je pouvais espérer avoir un petit copain normal. Un garçon avec qui on peut rester un moment à lui contempler les mains, je sais pas. Un garçon avec qui il y a ce moment où on se presque touche tous les deux. Je sais pas. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais moi je trouve que c'est un petit peu tôt pour... les pipes en public. Tu veux que je quoi ? Pas une vraie pipe. On fera semblant. Ce soir. À 6h30, derrière le mur, près de la friterie. Faudra que ça soit bien sonore, pour qu'on puisse nous entendre. Et ensuite, quand on nous aura vus, on fera semblant d'être gêné parce qu'on s'est fait prendre. Faire semblant. Tu sais super bien faire semblant, Doc. Je l'ai remarqué en cours de théâtre, quand on travaille sur notre spectacle. T'es génial en improvisation, t'as un don. T'es absolument la personne idéale pour faire semblant de me faire une pipe. Mais Larry, pourquoi ? Personne ne me prend au sérieux. Alicia Coulter ne peut même pas envisager l'idée de sortir avec moi parce qu'elle croit que je suis gay. T'es pas gay ? Non. J'aime bien dessiner des costumes, c'est tout. Tu peux pas simplement le dire. J'ai essayé. Mais chaque fois que j'en parle, les gens disent « Oh là là, il se défend trop pour être honnête. » Tout le monde a vu Queer, tout le monde connaît Glee et Kurt et Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gaultier, alors ils croient tout savoir sur les gays. Ils ont tous un radar à gays. Non, j'y ai beaucoup réfléchi. La seule chose qui peut marcher pour que j'ai un petit espoir avec Alicia Coulter... C'est si je me fais prendre en train de faire un truc complètement hétérosexuel. Comme par exemple me faire une pipe par toi. Écoute, ce serait de tirer une balle dans le pied. Si tu te fais prendre avec moi derrière la friterie, d'accord, ça pourrait suggérer que t'es pas gay. Mais du coup, Alicia Coulter va penser que tu sors avec moi. Exactement. Mais ça fait partie de mon plan. Si Alicia voit une autre femme s'intéresser à moi, ça va titiller son sens de la compétition et par conséquent, ça augmentera son intérêt sexuel pour moi. Son intérêt sexuel ? Oui. Qui est actuellement deux ? Zéro, pour être honnête. C'est pas grave d'être gay, Larry. Je sais. C'est même super. Je sais. C'est génial d'être gay. J'admets complètement que c'est génial d'être gay. Tu devrais être fier de ce que tu es. Je le suis. Je suis fier de ce que je suis. Je suis un hétéro qui est doué en stylisme. Ok. Ok. Tu es sûr ? Sûr et certain à 1000%. Ok. Ok, tu me crois pas ? Si, je te crois. Non. Si. Tu vois pourquoi il faut que je fasse ça ? Quoi que je dise, les gens continuent à croire ce qu'ils veulent. Alors, tu vas m'aider ou pas ? Pense. Pense à ta réputation. Pense. Pense à ce que diront tes amis. Demande-toi si c'est bien de faire une pipe à un garçon juste pour prouver qu'il n'est pas gay. Pense un peu. Pense. Pense. Non. Non ? Larry, J'ai un minimum d'intégrité. Je suis pas allouée. C'est dommage. Désolée. Bon, j'ai plus qu'à rapporter ce sachet de bœuf à Vigny. Quel sachet de bœuf ? Celui-là. C'est à mon père ? Non, c'est moi qui l'ai acheté. Quoi ? Vigny, c'est mon cousin. Il m'a dit que ton père n'a pas payé son traitement depuis près d'un mois. Quoi ? Il doit plus de 200 livres à Vigny. Il aurait évoqué des factures internet étonnamment élevées. Non ! Je me disais que si tu me rendais service, moi aussi je pourrais te rendre service, mais bon... Si t'en veux pas... J'ai l'impression que je vais mieux. Aujourd'hui, c'est pas terrible à cause de mes yeux, mais je suis bien stable sur mes jambes. Il y a des matins où c'est pas le cas. Et je tiens mon café correctement. Non ? Tranquille comme une statue. Fumer un joint, ça aide. J'ai l'impression que je vais mieux et que si ça continue, je vais pouvoir me remettre à faire des trucs. Quand mes doigts seront de nouveau bien dans le cou, je réparerai le monstre du couloir. Je la répare, je la remets en état, puis avec Doc, on prend une tente et un passeport et on met les voiles. On descend jusqu'à Hull, on embarque sur le ferry et quand on arrive à Amsterdam, on se prend une cargaison de marijuana médicinale de premier choix et on file vers le sud. Belgique, France, Espagne, Italie, comme j'avais fait avec Rosie. Doc et moi et la moto, je me dis qu'on peut faire durer le voyage 2 ou 3 ans et ensuite, quand ça commencera à se gâter, on roulera jusqu'en Suisse. En Suisse ? En Suisse, comme à la fin de la Grande Évasion. Quand Steve McQueen se tourne vers les nazis et les regarde, puis il emballe le moteur. Il lâche tout. Et il saute. Ça a l'air super. Ah oui. Born to be wild. Ouais. Comme dans Easy Rider. Vous avez vu ce film ? 15 fois. J'adore ce film. Moi aussi. T'as vu ce film, Doc ? Non. Larry l'a vu. Tant mieux pour Larry. Monsieur McAtarsney ? Oui. C'est quoi le monstre du couloir ? Le monstre du couloir. C'est clairement une métaphore des choses que nous n'arrivons pas à affronter. Mais c'est aussi un vrai monstre. Et c'est aussi un vrai couloir, comme Larry Lofthouse va bientôt le découvrir. Oh. Ah ouais. Une Ducati Monster 796. Tu connais ? Si je connais, Monsieur McAtarsney, c'est le plus bel objet que j'ai vu de toute ma vie. N'est-ce pas ? Rouge et chrome. Elle était arrosée. J'en suis au dernier stade de restauration. Elle a été pas mal abîmée avec l'accident. Papa, t'en es au dernier stade de restauration depuis des années. Ces choses-là prennent du temps. Je la mets dans le placard. Une moto comme ça, ça se met pas dans un placard. Une moto comme ça, ça se met sur les routes d'Italie. C'est un classique du design. Malheureusement, Doc ne l'apprécie pas. Si, je l'apprécie, papa. Simplement, j'ai pas envie que la dame arrive et se croie dans un garage. Tu devrais prendre exemple sur Larry. Je devrais ? Larry comprend le pouvoir de l'imagination. Ça, c'est clair. Costume. Costume ? Il faut que tu mettes ton costume. J'ai pas de costume. Si. Où ça ? Ici. Monsieur McAtarsney, pour quelqu'un qui a un œil aussi sûr pour le design italien, vous êtes plus que décevant quand il s'agit de mode masculine. Quoi ? Doc, il faut le repasser, ce costume. J'ai pas le temps. Je vais le faire. Je ne supporte pas de voir des habits mal entretenus. Merci. Les mecs. C'est souvent troublant quand ils sont gentils. Parfois, ce serait plus facile si c'était toujours des salauds. Comme ça, au moins, on saurait à quoi s'en tenir. Une dernière chose. Quoi ? Chut ! Pourquoi tu chuchotes ? J'ai besoin de ton mot de passe. Pourquoi ? Les sites porno. La dame va sûrement vérifier. Elle a dû faire une formation, ça sera sur sa liste de trucs à faire. Pendant qu'on regarde pas, elle va allumer l'ordi, elle va farfouiller, elle va trouver tous les... Je ne veux pas savoir quoi. J'ai besoin de ton mot de passe pour tout effacer. Doc, il n'y a pas de porno. Ça va, t'as pas besoin de faire semblant, je suis pas si naïve que ça. Il n'y a pas de porno, je te le jure. Papa, quand je vais me coucher, tu prends une canette de bière, un joint et un paquet de Bounty modèle familial et tu restes là jusqu'à 3h du matin. Tu vas pas me faire croire que tu joues à Angry Birds. Non, mais... Donne-moi ton mot de passe. Je reconfigure le navigateur et tout sera effacé. Non. C'est pas avec des animaux, j'espère. Non, bon dieu de bois, Doc, c'est pas du porno. C'est quoi alors ? Otherworld. Otherworld ? C'est un univers multijoueur. Un jeu, un monde. C'est tout un monde sur l'ordinateur. Tu crées un avatar, un personnage, et par l'intermédiaire de ton personnage, tu explores, tu vis des aventures, tu combats des monstres, tu cherches un trésor, tu récupères des armes magiques. Des armes magiques ? Oui. C'est pour ça que tu dors pas la nuit? Oui. T'es bizarre. Comment je fais pour m'identifier? Le mot de passe, c'est Voldemort. Tu vois, le premier écran? Ouais. C'est moi. Duke 101, taille 2 mètres, force 20, monture griffon, arme magique, l'épée de Goffolnirol, point... 21 467. C'est beaucoup? C'est pas mal. C'est qui ça? Quoi? Il y a une femme à côté de toi, je veux dire à côté de Duke. Mistress Selkie. J'en étais sûre. Quoi? C'est du porno. Non, sois pas ridicule. C'est une amie. C'est ma partenaire d'aventure. Elle a un soutif à mitraillette. C'est son avatar. Les avatars portent des trucs comme ça. Le mien porte un pagne. Regarde. Oh! C'est amusant, Doc. Il me reste plus grand-chose pour m'amuser. Je peux pas faire de moto, je peux pas boire, je peux pas sortir avec les bad boys. Je vois pas où est le mal si je passe quelques heures sur Otherworld tous les soirs. Elle pourrait être un homme. Et alors? C'est pas normal. Doc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle obsession pour la normalité? Papa, je t'en prie! Voilà votre costume, monsieur McAtarsney. J'ai fait ce que j'ai pu pour la chemise, mais je peux pas faire des miracles avec le polyester. Trop tard! Larry, va dans le placard. Quoi? Je veux pas que la dame te voie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? T'es un mec! J'ai pas envie d'aller dans un placard! Larry, si tu veux que je te retrouve plus tard à la friterie, fais ce que je te dis. À moins que tu préfères que je raconte à toute l'école ta passion pour les vêtements masculins. Ok. J'ai peur du noir! Dur! Allez, finissons-en. Bon. Une visite des services sociaux. Bonjour. Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Non. Je suis là parce... Ça va, on sait, on vous attendait. Vraiment? Oui. Tant mieux. Je peux entrer? Bien sûr. Papa, la dame est là. Je peux vous présenter mon père? Papa, voici madame... Agnetta. Hugh. En attendant à la porte, j'avais peur. Je savais pas si vous alliez m'inviter à entrer et me faire la bise, ou m'envoyer faire foutre. Oh non, on ferait pas ça. Je sais. Regardez-vous. Regardez-le, comme un gros ours, sortant de la toundra, rugissant, exactement comme je l'imaginais. Je peux te serrer dans mes bras, ours? Oh, grand Dieu! Tu trembles? C'est vrai. Un petit peu? J'ai pas remarqué. Gueule de bois? Non. On a bu pour faire fuir la nuit, gros ours? Papa ne boit pas. C'est simplement un très léger symptôme de la sclérose en plaques. Je savais pas que t'avais la sclérose en plaques. Il l'a pas. Je ne l'ai pas. Non, c'était une blague. En vrai, il a froid, c'est tout. Papa, mets du chauffage. Il fait très attention au gaspillage. C'est typique de notre façon de nous débrouiller. Agnetta. Ouais. Vous avez pas l'accent de Kirkcaldy, Agnetta? Non, je viens de Trondheim. Je suis arrivée ce matin. Quand je suis montée dans l'avion, j'ai eu envie de me tailler les veines. Vous savez comment c'est. En avion? Ouais, c'est nul, ça bousille l'environnement. Mais pour un truc aussi important... En fait, je partais du principe que vous habitiez tout près. Et vous? Vous devez être Duck. C'est moi. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Pas seulement en bien. Quelquefois, j'entends parler de toutes les conneries que tu peux faire. Vous, les mômes, vous croyez que nous, les adultes, on sait pas. On sait. Vraiment? T'en fais pas, je suis de ton côté. Mon fils Beau est pirate informatique. Lui aussi, il était folle dingue à ton âge. Je dirais pas que Duck est folle dingue. Duck, c'est un drôle de nom. Diminutif de Ducati. Les Ducati étaient les motos préférées de sa mère. Hallucinant, génial. J'ai bien vu une ou deux Ducati dans ma vie, mais je suis jamais montée dessus. Je comprends qu'elle les aimait. J'adorerais sortir un de ces engins entre mes cuisses. D'accord. Vroom! Putain de bordel de vroom! Pardon. Pour mes grandes entrées en scène, avec le groupe, j'arrive sur une Kawasaki noire, Lars plaque un power cord, Eric démarre le solo, neige carbonique, et là, j'entre en scène à moto et je chante. Vous faites partie d'un groupe, Agnetta? Ouais. Il s'appelle comment? Chat en feu. C'était une idée de Lars. Quand je me suis séparée de Lars, j'ai viré un archo féministe et j'ai voulu changer pour Beat en feu. Mais il y a beaucoup de fans qui avaient notre nom tatoué sur les bras et ils m'auraient jamais pardonné si on Agnetta, avait... Agnetta, je me dis... Enfin, j'imagine que vous devez être très occupée. Donc je me disais, vous avez quelque chose à nous demander en particulier? Non. Enfin, pas vraiment. Maintenant que je suis là, je crois que je vais me contenter d'être... Pas de questions, c'est vrai, non? La situation est assez bizarre pour qu'on rajoute des questions, non? Ouais. Moi, je dis, putain, on n'a qu'à tous être. D'accord. En fait, si, j'ai une question. Ouais? Je peux squatter votre canapé cette nuit? J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère. J'avais 3 ans quand elle est morte. Je me souviens qu'elle était très belle. Papa l'appelait la belle. Et lui était la bête. Ils se sont rencontrés au Tourist Trophy de l'île de Man. Rosie participait à la course. Tout le monde craquait pour Rosie, parce qu'elle était canon en cuir. Mais elle sortait avec un gros balèze qui s'appelait Hartlepool Jack, et qui était grand comme 3 maisons. Donc personne n'osait même la regarder de peur de se faire ratatiner. Mais ce jour-là, au Tourist Trophy, Rosie conduisait comme une déesse. Et elle a battu tous les hommes. Elle a même battu Hartlepool Jack. Et quand elle est descendue de sa moto à la fin pour aller chercher son trophée, Jack l'a poussée. Il a carrément fait tomber dans la poussière et il lui a dit qu'elle devait plus jamais, jamais l'humilier comme ça. Rosie a ramassé une bouteille de bière, l'a cassée contre une Harley qui était à côté et a plongé sur le visage d'Hartlepool Jack. Elle était en plein vol quand papa a saisi sa chance. Il a poussé Jack et c'est lui qui s'est pris la bouteille, cuir lacéré. Pas parce qu'il voulait sauver Jack, mais parce qu'il voulait sauver Rosie. Papa a pris le coup pour que Rosie n'aille pas en prison. Une fois calmée, Rosie s'est excusée auprès de lui. Il a dit que c'était rien du tout. Elle lui a payé un coup. Cette nuit-là, ils comprirent qu'ils resteraient ensemble pour toujours. À condition que papa survive, bien sûr. Parce que tout le temps qu'il parlait, sa blessure avait saigné sous son cuir. Et bien qu'il se soit senti un peu étourdi et pas très vaillant, avec au ventre une sensation moite et chaude, il avait mis ça sur le compte du sentiment amoureux. Chose qu'il n'avait jamais connue auparavant. Donc soudain, il poussa un soupir et s'écroula, évanoui, avec les yeux révulsés. Et maman l'attacha sur l'arrière de sa moto et roula dans la montagne, jusqu'à l'hôpital de Peel. Elle arriva juste à temps. Le docteur dit que 5 minutes plus tard, et il serait mort. À ce jour, Hugh McAtarsney dit encore « Duck, si quelqu'un te dit qu'il croit qu'il est en train de tomber amoureux, regarde s'il s'est pas pris un coup de couteau. Au cas où. » Selkie ? Vous êtes Mistress Selkie ? Bien sûr, tu croyais que j'étais qui ? Peu importe. Selkie ? Comment tu m'as trouvé ? Oh, c'était facile. Beau a localisé ton adresse IP, donc je savais que t'habitais quelque part par ici. Je me suis dit que si le destin voulait qu'on se rencontre, le destin ferait en sorte que ça arrive. J'ai pris l'avion, le bus et le train, et quand je suis arrivée dans ta ville, à peu près la première chose que j'ai vue, c'est un panneau. Duke's Motorcycle 101 High Street. Duke 101 ! Je suis entrée, j'ai demandé Duke, ils m'ont dit où t'étais. Le destin. Agnetta, pourquoi vous poursuivez mon père ? Pour parler de ce qui s'est passé sur la lande de Bellorno. Ah ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur la lande de Bellorno ? Qu'est-ce qui s'est passé sur la lande de Bellorno ? Je l'ai demandé en mariage. La princesse Duck scruta du haut de sa tour l'étendue grise et désolée de la mer accablée et vit les voiles noires du navire de la reine de Norvège, amarré au port, comme un mauvais souvenir. Dans les profondeurs du froid hall de pierre, elle les entendait, assis sur le froid trône de pierre, buvant de l'hydromel et riant et parlant de leurs aventures dans l'autre monde. « Je hais les reines, » pensa Duck. « Quand elles ne viennent pas pour vous enlever, elles viennent enlever votre père. » Oui. Je peux sortir du placard ? Non. Il y a un garçon dans le placard ? Oui. C'est ton petit ami ? Plus ou moins. Duck, t'es une sacrée poulette féministe death metal, pur jus. Tu déchires. Non ! Non, je déchire pas. Et je suis pas une poulette quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ? Je suis normale. Je suis une fille normale. Et voilà mon père, normal. Et vous, vous êtes bizarre. Duck. Vous ne savez rien de mon père. Je sais qu'il est gentil. Je sais qu'il est loyal. Et digne de confiance. Et drôle. Et je sais qu'il m'aime. Ah, vous savez ça ? Tu l'aimes ? Oui. Vous savez qu'il est aveugle ? Vous ne saviez pas qu'il a la sclérose en plaques ? Vous savez que pendant que vous vous baladez dans les terres sauvages de Perpète les Fesses, avec vos épées magiques à la main, lui, Il est assis ici, dans une petite pièce sombre et humide, à fumer de la dope pour empêcher ses mains de trembler, et à bouffer des bounties pour tromper les fragales. Et vous savez que, quand il se lève pour aller aux toilettes, il flageole, parce que toute sa jambe gauche est ankylosée, parce qu'il s'est parmi de la dernière crise. Et même s'il veut pas l'admettre, il peut pas se tenir debout correctement. Alors il titube le long du couloir en semant des barres chocolatées qu'il peut pas ramasser. Et quand il essaye de pisser, il peut pas arrêter de bouger. Alors il pisse à côté. Et il peut pas se pencher. Alors il essaye d'éponger avec sa chaussette. Et vous savez que quand il a fini de jurer et de pester, il repart dans le couloir en titubant pour vous retrouver à La La Land. Et moi, je me lève. Je vais chercher une serpillière dans le placard et je nettoie derrière lui. Et je le fais tout doucement, sans faire de bruit, parce que je ne veux pas qu'il le sache. Vous le saviez, ça? Je pensais bien que non. Vous ne connaissez pas mon père et vous ne me connaissez pas et vous n'avez rien à faire ici. Je ferais peut-être mieux de partir. Agnetta. Vous feriez mieux. Partez avant que je vous foute dehors. Merde! Pas le temps. Agnetta, dans le placard. Ah. Ouais! Je peux m'asseoir dessus? Fais comme chez toi! Oh putain de bordel de Duck, t'avais pas à dire ça. Ah bon? Ça se fait pas. Et en plus, ça ne te regarde pas. T'as pas à t'en mêler. Pas le temps d'en parler maintenant. Je vais ouvrir. Reste à côté de la table basse. Quand elle entrera, tends la main, enchanté, serre-lui la main. Assieds-toi. Compris? Compris. Tends la main, enchanté, serre la main, assis. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Asseyez-vous. Oh, papa. Je crois que je me suis assis sur le banc. Quoi? La vie est un jeu de Tetris et il vient de passer au niveau supérieur. Level 1. Alors, je m'appelle Linda Underhill et en fait, je suis venue simplement pour voir un peu comment ça se passe et regarder si on pourrait faire quelque chose de plus pour vous aider. Super. Génial. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe génial. Bien. Pour commencer, je vais vous demander de remplir ces fiches. Fiches? Aucune inquiétude à avoir, c'est juste quelques questions pour que nous puissions apprécier vos revenus et voir si les aides, allocations, etc. que vous sollicitez correspondent bien à ce que vous seriez en droit de demander. D'accord. Vous voulez un stylo? Vous voulez un stylo? Monsieur McAtarsney? En fait, madame Underhill, en fait, je suis... Jardinier? Ah! Et on voulait vous montrer le jardin. Oui. On fait pousser des légumes. C'est bien, ça. Il faut que vous voyez ça. Peut-être après le déjeuner? Pendant qu'il y a du soleil. À vrai dire, il a l'air de faire assez humide. Humide? On cuit? J'ai laissé mon kawaii sur ma mobilette. Papa est très fier de son jardin. Je vais chercher mon kawaii. Level 2. Agnetta! Agnetta, j'ai besoin de votre aide. Je vais emmener la dame dans le jardin. Faut que vous aidiez mon père à remplir cette fiche. Vous voulez bien? Ok. Génial. La lumière. La lumière. J'ai besoin de la lumière. Qu'est-ce qui est arrivé à Larry? Crise de panique. J'ai dû l'assommer. Un vieux truc de taekwondo que j'ai appris au foyer d'accueil pour femmes. Il respire, mais il bougera pas. Bon boulot. Level 3. Juste un petit crachin. Qu'est-ce que vous cultivez? De l'herbe. De l'herbe essentiellement. De l'herbe comestible. Et des orties. Eh bien, on peut dire que vous avez une belle récolte d'orties. Oui. Qui pousse sur un canapé. Et des ronces. Un frigo. Oh. On rentre? Level 4. Alors voyons, allocation demandée. Vous avez coché allocation d'invalidité, crédit d'impôt pour enfants. Prescription gratuite. Ça c'est à cause de la sclérose en plaques, je suppose. Allocation familiale, je vois que vous avez écrit ici. Hélicoptère gratuit sur demande. J'ai écrit ça. C'est marqué ici en bas. Le stylo a dû riper. À revenu, vous avez écrit « La propriété, c'est le vol. Nous exigeons le socialisme réel de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Papa. Situation familiale. Aucune. L'amour est libre, l'amour n'a pas de chaîne. Secouez le joug du patriarcat, nous voulons du sexe rebelle. Reprenez votre vie au système mortifère de la guerre et du pétrole et criez anarchie, anarchie, anarchie forever. Et vous avez recouvert l'affiche d'un grand A entouré d'un cercle. Je peux vous expliquer. Oh, je sais que ces fiches sont parfois agaçantes. Papa est un grand farceur. Si vous voulez, vous pouvez me laisser les fiches pour que je les tape proprement à l'ordinateur. Bah, bonne idée. Ça vous dérange pas si je fais un petit tour dans la maison? Je vous en prie. Level 5. Bon, j'ai regardé les fiches. Ça m'a l'air très bien. Je peux utiliser les toilettes? Bien sûr. Merci. C'est où? Juste là. Merci. Papa? Quoi? C'est pas les toilettes, ça, c'est le... Ah, placard. Ah, j'ai ouvert la porte et un visage horrible, avec des yeux menaçants, écarquillés, et elle m'a glacée. Glacée? Couverte de piercings métalliques, les yeux tout noirs, les cheveux tout rouges, et elle berçait un garçon mort. Ah, c'est... C'est... Tu te souviens, papa? Oui, je me souviens. Le visage glaçant. Oui, c'est ma... Ça. Poupée gonflable. Non. Non. Sculpture. C'est ma sculpture. Votre sculpture? Je sculpte. Doc écrit, moi, je sculpte. En ce moment, je sculpte un visage de... Femme effrayante qui berce un garçon mort sur une moto. C'est un projet. Sur le chagrin. On l'arrange dans le placard. C'est pour ça que le visage est triste. Je suis vraiment désolée, je comprends parfaitement. Vraiment? Les gens avec qui nous travaillons se servent souvent de l'art pour explorer leurs propres ressentis par rapport à leurs problèmes. Ça peut être un très bon moyen de libérer des émotions enfouies. C'était très indélicat de ma part de hurler. J'avais pas le droit de la traiter d'horrible. Voulez-vous que je la regarde de nouveau? Non. Elle est pas finie. Super. Alors, donne les toilettes. Par là. Ça m'est bien tiré. Je fais une overdose d'adrénaline, Doc. Je vais pas tenir très longtemps. Accroche-toi, papa. On a presque fini. Merde! Quoi? J'ai complètement oublié d'éponger le pipi de cette nuit. Madame Andaril. Le pantalon un peu mouillé. Une fuite. Je vais demander qu'on nous envoie un plombier. Level 6. On va regarder Duck et le Duke préparer le repas. C'est pas facile. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Prêt? Autant que je peux l'être. On fait le repas. Ouvrir le placard. Macaroni. Et elle reçoit un sac poubelle sur la tête. L'autre placard. Ok, Doc. Désolé. Non, c'est parfait. Et on recommence. Macaroni. Et c'est une boîte de baked beans pleine de mégots de pétards. Verse dans la casserole. Le tout tombe sur Underhill. Je vais essuyer. Non, tout va bien. Ouvrir le robinet et ajouter l'eau. Oups. Et il a loupé la casserole. Je vais chercher une serviette. Je vais de l'eau. Ça partira au lavage. Et l'eau se mélange à la cendre de pétard et ça fait une espèce de belle pâte à modeler. Casserole sur le feu. Ah, la main sur le brûleur. Ça va? Très bien. Vous êtes sûr? Blessure superficielle. Râper le fromage. Parmesan. Vous êtes sûr que ça va? C'est mon plat fétiche, vous savez. Vraiment? Vraiment. Et il s'est râpé les jointures. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. Il y a du sang partout. Je vais chercher un sparadrap. Il l'a senti passer. Où on en était? Ah oui, macaroni. Doc, le minuteur, s'il te plaît. Je suis complètement pathétique. C'est Doc, les gadgets électriques. Voilà. Combien de temps? 10 minutes. Super. Super. Ouais, super. Tu te souviens la fois à l'église? On mangeait de la nourriture saine en priant un coup? Ouais. Super. Ouais, super. Super. Un petit bounty pour patienter. Je pense pas. C'est parti. Et il a pas pensé que ça allait être chaud. Il a lâché le plat. Putain de bordel, la queue. Des macaronis partout par terre. C'est rien, je vais les poser sur la table. Un peu de poussière, ça vous dérange pas, n'est-ce pas, Madame Underhill? Non. Là? Là, ben elle a perdu, hein. Il pleure. Elle flanque des poignées de macaronis sur la table comme si elle faisait des pâtés de sable. Voilà. Formidable. Des herbes. Ça va aller. Elles sont toutes fraîches. Pas sous ce chêne-là. Oh non. Ah, mauvais plan. C'est le gros paquet d'herbes de Larry. Son poudre un peu partout. Parfait. Game over. Merci de m'avoir accueilli, c'était vraiment super. Vous pouvez emporter ces fiches et nous verrons pour vos allocations. Je crois qu'on devrait pouvoir améliorer un peu votre situation. En attendant, Doc, voici quelques prospectus qui vous donneront une idée des services que nous proposons pour les jeunes. Des prospectus? Oui. C'est tout? Oui, qu'est-ce que vous attendiez? Rien. Super. Bon, encore une fois, c'était super hein, de vous voir. Ah, une dernière chose. Quel âge avez-vous, Doc? 16 ans. C'est ce que je pensais. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour le déjeuner. Au revoir. Maintenant, il ne reste plus à Doc qu'à trouver le moyen de faire une pipe à Larry Lofthouse derrière le mur de la friterie. J'ai écrit un scénario. Extérieur jour, la friterie. Doc dit « Oh, Larry ». Il faut pas dire « Doc dit ». C'est juste pour que tu saches que c'est toi. Ah, d'accord. « Oh, Larry, j'ai trop envie de toi ». On ne peut pas y faire grand-chose ici, Doc. Oh, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de toi tout de suite. On ne peut pas faire l'amour devant la friterie, Doc. Pourquoi pas? Tout le monde va nous voir. Derrière ce mur, alors. Ici, personne ne nous verra. Ok, il va falloir que tu parles plus fort. Fort? Sinon, ils n'entendront pas. C'est atroce, ce truc! Ce scénario tient pas debout. La façon dont tu l'as écrit, j'ai l'air d'une nymphomane. Et alors? C'est pas génial comme plan si tu cherches à convaincre les gens que t'es pas gay. Ça devrait être toi qui as envie de baiser. C'est toi qui devrais être fou de moi. Ce serait crédible. Quoi? Bah, avec ton look. Jean et t-shirt à effigie, lunettes. Ça fait un peu... groupie. Groupie? Je me vois pas craquer pour toi, habillé comme ça. Moi, je me vois pas dire une seule de ces répliques. Eh ben, c'est moi le metteur en scène. Eh ben, tu peux changer d'actrice. D'accord. T'as gagné. Occupe-toi du scénario. Moi, je vais m'occuper des costumes. Ok. Bon, j'ai épluché ta garde-robe et j'ai trouvé ça. Avec cette ceinture et ces chaussures et si je l'épingle là derrière, ça pourrait marcher. Essaye. Enlève tes lunettes. Secoue tes cheveux. Quoi? Rien. C'est juste... rien. Tu fais Larry, moi je ferai Doc. Doc. Oui? J'ai envie de toi. Je ne peux plus garder le silence. En cours de théâtre, je suis assis à côté de toi, je te regarde respirer, je vois ta peau à travers le blanc de ton chemisier, je vois la façon dont tes cheveux rencontrent ta nuque et j'ai envie de te caresser. Je vois le demi-sourire que tu as quand tu écris et j'ai tellement envie de toi que ça me submerge et que je voudrais me jeter sur toi. Dis donc, c'est carrément pas mal, Doc. Ok. Approche-toi. Viens ici, comme ça. Qu'on soit tout à côté. Ok. Et alors, tu me regardes dans les yeux. D'accord. Du désir plein les yeux. Ok. Et ensuite, tu caresses mon visage. D'accord. Larry? Oui? Il y a quelque chose qui vibre. Ah, c'est mon téléphone. Ouh, y a quelqu'un? C'est encore moi, Linda Daryl. Pardon de vous déranger. Vous pouvez entrer. Bien sûr. Bonjour. C'est mon amie Agnetta. Bonjour. Agnetta. Bonjour. Linda. Je vous ai vu en placard. Ouais, je me cachais. On s'est dit que ce serait peut-être perturbant si elle était là en même temps que vous. Un peu, oui. Vous préférez que je retourne dans le placard? Je crois que ça serait plus simple. Ok. Pas de problème. Bien, c'est mieux comme ça. Elle vient de Norvège. Monsieur McAtarsney. Oui. Vous avez des petits problèmes de vue, n'est-ce pas? Comment vous avez deviné? C'est un des effets secondaires de la sclérose en plaques. Et vous vous êtes assis sur un bang. Ah. Le problème, c'est que vous ne le mentionnez pas sur votre fiche. Non. Pourquoi? En fait, c'est Agnetta qui a rempli la fiche. Alors, c'est elle, la socialiste. Anarchiste. Pardon. Non, vous excusez pas, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle a écrit. D'ailleurs, ça m'a remonté le moral. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Oui. Mais justement, monsieur McAtarsney, si vous ne notez pas vos besoins, je ne peux pas aller demander au conseil municipal de les satisfaire. Ce qu'il y a, c'est que... J'ai peur que si j'écris sur cette fiche que je suis aveugle, vous allez penser qu'on ne peut pas se débrouiller et vous allez m'enlever Duck. Vous l'enlevez ? La placer dans une famille. Oh non, non, le placement c'est toujours le dernier recours. Il faudrait que Duck soit dans une situation bien bien pire que ça pour qu'on songe seulement à envisager une mesure aussi radicale. Vous voulez que je réponde ? Non, c'est sans doute quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose. Salut ! On n'est pas là. Laissez un message après le... Ce soir, on refera ça derrière le mur de la friterie où tout le monde pourra nous voir. Et ensuite, tu me fileras un sachet d'herbe. C'est ça ? Oh. Ah ! Quoi ? Ah, mon téléphone qui débloque. Je vais le couper. C'est bizarre de faire ça. Ouais. Tu veux qu'on reprenne encore une fois ? Ça serait peut-être bien. Peut-être une dernière fois. Fais le bout où t'enlèves tes lunettes et tu secoues tes cheveux. Ok. Doc. Quoi ? T'es belle. Vraiment ? Larry, c'est pour de vrai ou on répète ? Vrai. Oh là ! Je suis désolée de vous interrompre, mais... Duck, j'aurais voulu vous dire deux mots. Je peux vous expliquer ! Duck, je me dis que ça pourrait vous faire du bien de faire un break. Quitter la maison un petit moment. J'ai pensé à une résidence qui pourrait peut-être vous intéresser. Je sais que c'est un peu dernière minute, mais... J'ai tout organisé. Si vous mettiez 2-3 babioles dans une valise, et ensuite je vous raconte tout. D'accord. Je vous attends dans le couloir. Papa ! Papa ! Doc ! Par la fenêtre. Quoi ? On saute. Il y a 2 étages. Il y a un canapé. C'est la mobilette de la dame. Oui, on la vole. Pourquoi ? Elle veut me placer en foyer. Mais non, Doc. Si ! Elle m'a demandé de faire une valise. Je rentre pas. Monte derrière. Où on va ? On va en Europe. Vroom ! Putain de bordel de vroom ! On n'a pas d'argent, Doc. J'en gagnerai. Comment ? En écrivant. Quoi ? Mon roman. Je l'ai presque fini. C'est l'histoire d'une princesse dans une tour qui vit avec une bête. Et ensuite... Tu ne peux pas écrire un roman comme ça. J.K. Rowling l'a bien fait. Si elle peut le faire, moi aussi. Doug, non. On a essayé. Ça ne peut pas marcher. Tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut renoncer. Je m'occupe plus de toi. C'est toi qui t'occupes de moi et ça ne marche pas. On a besoin d'aide. Descends de la mob. Descends de la mob. Doug. Traître ! Doug ! Linda Underhill. Salut. Mais comment vous avez... J'ai expliqué la situation à votre amie Agnetha. Elle m'a fait remarquer que vous aviez une moto dans le placard et qu'elle était à peu près sûre de pouvoir la réparer. Je connais ces bêtes-là comme ma poche. Et Larry a pu rapidement adapter les différents cuirs de votre garde-robe pour que tout le monde en ait un à sa taille. En fait, vous avez des trucs super vintage, monsieur McAtarsney. Agnetha a descendu la moto par l'escalier et nous sommes partis à vos trousses. La vache, vous êtes forte. Où est Duck ? Elle est partie. Quoi ? Où ? Par là ? Monsieur McAtarsney, montez à bord. Techniquement, c'est illégal de monter à 4 sur une moto, mais je crois que dans ce cas précis, nous pouvons envisager de faire une entorse à la loi. Anarchie ! Wouhou ! De quel côté croyez-vous qu'elle est allée ? Par là ! À la voilà, doublée ! Duck ! Duck! Duck! ville d'Andaril. Je voulais juste vous donner ce prospectus et vous expliquer. Dirk, voulez-vous expliquer? Il n'est pas question de vous placer où que ce soit. C'est juste que je veux vous intéresser à l'écriture. Attention! Dirk! Duck heurte l'arbre. Quelque part au milieu d'un champ tout blanc, une fille à cheval dans la brume. Et elle ne voit rien que du blanc et du gris. Et il semble qu'il n'y ait plus ni haut ni bas. C'est fini, se dit-elle. Et son destrier se cabre et la projette en l'air, dans le blanc de l'air, et elle tombe, suspendue comme la rosée dans l'air du matin. Tombe, lentement, si lentement, tombe, non pas vers l'obscurité, mais vers la lumière. Duck, tu es là, Duck? C'est le vent ou c'est ton souffle? Bon. Écoute. Tu n'as pas besoin de parler, mais je vais essayer de marcher vers toi. Tu m'avertis si je risque de trébucher sur une pierre. Oui ? Bon. Je vais partir du principe que oui. T'as pris le virage trop vite. Le même virage que ta mère. C'est le même arbre ? Je pense que oui. Le même qu'elle avait heurté, je sens l'entaille là où sa moto a déchiré l'écorce. Duck! Duck! Ta mère, elle adorait être toujours en tête. Moi pas, j'ai trop peur. Quand la route rétrécit trop, je renonce. Mais Rosie, elle continuait, toujours plus vite. La nuit où elle est morte, on faisait la course sous la pluie. Je lui ai crié, j'abandonne, t'as gagné. Mais avec le moteur et la pluie, elle ne l'a pas entendu. Ou peut-être qu'elle s'en foutait. Parce que de toute façon, je ne pense pas qu'elle faisait la course contre moi. Elle faisait la course contre elle-même. Une course contre toi-même, c'est une course que tu gagneras jamais. Parfois, Duck, la victoire, c'est d'admettre la défaite. C'est trop tard. Non. Je suis en train de mourir, couché au pied d'un arbre. Je peux pas faire marche arrière maintenant. Pourquoi pas? Ce serait embarrassant. Il n'est jamais trop tard. Papa? Oui. À m'en sortir? Oui, je crois. Les mobilettes, ça roule pas beaucoup plus de 40 à l'heure. C'est sans doute juste un peu sonné. Ah, c'est un peu embarrassant. Ouais. Papa, je crois que j'aimerais bien lire les prospectus de la dame. Oui. Et c'est ainsi que lorsque tout fut fini et les blessures guéries, par une grise journée, la princesse Duck fit un baiser d'adieu à Sir Larry, qui était désormais connu dans tout le royaume sous le nom de Sir Larry Lady Lover, à cause qu'il sortait avec la princesse Duck, qu'on appelait désormais Princesse Swan. À cause de la stupéfiante transformation que Sir Larry Lady Lover avait apportée à son look quotidien. Donc, la princesse Duck slash Swan fit un baiser à son chevalier et rejoignit d'autres princes et princesses venus d'autres châteaux bizarres, en route vers le château des scribes de Dunfermline, où elle devait prendre part à un cours de manuscrits créatifs sous l'égide d'un célèbre barde. Et dans le froid hall de pierre du froid château de pierre, la bête, assise sur son trône froid, son froid trône de pierre, regardait la mer accablée qui s'étendait, grise, jusqu'aux montagnes natales de la reine de Norvège. Et la reine de Norvège dit « Peut-être que j'aurais pas dû venir, grand gaillard. » « Pourquoi ?»« Je crois que j'ai un peu foutu le merdier. »« Non. »« Je pensais te faire une belle surprise et enfin qu'on s'amuse, quoi. »« Je sais, Agnetta, mais regarde-moi. Je suis un Écossais, chauve, d'âge moyen, dans une petite maison. Un mec qui peut même pas empêcher ses mains de trembler le temps d'allumer une clope. Un mec aveugle. Je n'ai rien à faire avec un mec comme moi. Rentre chez toi. Tu l'as échappé belle. »« C'est toi qui as de la chance de pas me voir. »« Ah ouais ?» Pour tout dire, grand gaillard, j'ai l'air d'un troll. Un troll avec une moustache. Et mon bide, si tu le voyais, il est gigantesque. Hein. Comme un gros béhémote. Un gros béhémote velu. Je te crois pas. Touche-moi. Quoi ? Tends ta main. C'est vrai que t'es un béhémote velu ? Oui. Un merveilleux béhémote velu. Et toi, t'es une merveilleuse bête. Quoi ? Je regarde juste, j'ai pas pris un coup de couteau. Et à ce moment précis, ils s'embrassèrent. Chose que nous n'avons pas besoin de voir. Et pendant ce temps, dans la lointaine Dunfermline, le barde appela la princesse Duck slash Swan et lui dit « Ok, Duck, si tu veux commencer, dis donc au groupe ce que tu nous as apporté, ok ?» Duck ? Ça va ? Il est ouvert. Un, deux, trois. C'est parti. C'était Le Monstre du Couloir de David Gregg. Traduit de l'anglais par Dominique Ollier. Avec Tiphaine Rabot-Fournier, Duck, Jacques Gamblin, Hugh, Dominique Valadier, Linda Underhill, Vincent De Dienne, Larry Lofthouse, Céline Langlois, Agnetta, Dominique Ollier, un professeur, et les voix de Michael Pinelli et Émilie Chertier. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Sophie Bissens et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Émilie Couette. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Baptiste Guiton, Cédric Aussire.